Ainsi se termine cette deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers, une nuit passée en compagnie de Pascal Bonitzer et Thierry Jousse, au cours de laquelle nous avons entendu les voix de Jean Renoir, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, Marguerite Duras, Jacques Rivette, Wim Wenders et Serge Danet, et Olivier Assayas. Pascal Bonitzer, vous avez écrit « Quatre générations se sont succédées, parfois chevauchées, parfois combattues, au sein de cette revue qui a vu changer non seulement son contenu, ses rubriques, mais aussi sa maquette, son allure, ses couleurs. Rien ne peut faire cependant que le nom des cahiers du cinéma n'ait pas dressé, attiré, polarisé des exigences communes. » Qu'entendiez-vous par exigences communes, Pascal Bonitzer? Je ne sais pas, cette passion spécifique du cinéma et de certains cinéastes qui a perduré un certain temps. Partagez-vous cette même vision des cahiers, Thierry Jousse? Oui, c'est difficile de pas la partager au fond. Donc oui. Après, on pourra toujours discuter sur les mérites de telle ou telle génération. C'est une autre question. Êtes-vous encore aujourd'hui des lecteurs des cahiers? J'y suis abonné, comme je suis abonné à La Table et à L'Obs, donc il m'arrive de les lire. Thierry Jousse? Je les achète moi en kiosque. Je les lis de façon intermittente et avec une certaine distance, on va dire. Les cinéphiles aimaient les listes et les classements. Les cahiers font chaque année la liste des 10 films de l'année. Si on ne s'en tient qu'à 5, quels sont pour vous les 5 cinéastes marquants de votre vie de cinéphile, de critique? Pascal Bonitzer. Godard, Romer, Mizoguchi, Oshima, Tourneur. Alors moi je dirais Godard et Tourneur, comme Pascal Bonitzer, Arnaud de Pléchin, pour la proximité, presque on pourrait dire générationnellement, même si j'aime pas tellement le concept de génération, mais bon. David Lynch, qui a quand même aussi compté beaucoup pour moi, et puis Vincente Minnelli. Pascal Bonitzer, on pourra voir votre nouveau film tout de suite maintenant. Enfin, tout de suite maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut le voir tout de suite. Tout de suite maintenant, c'est le titre de ce film. J'ai rarement autant attendu la sortie d'un film. Que l'on pourra. Après, il s'appelle tout de suite maintenant. Voilà, que l'on pourra voir dès le 22 juin en salle. Et on peut retrouver certains de vos textes de l'époque des cahiers réunis dans La Vision Partielle, un livre paru aux éditions Capricci en janvier dernier. Thierry Jousse, en attendant peut-être un film bientôt. On peut vous écouter tous les samedis sur France Musique et quotidiennement cet été. Merci à vous deux d'avoir partagé avec nous cette deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers. Chargé de cette émission, Hassan Mbechour, à la technique, Pierre Faucillon, à la réalisation, Ghislaine David et Virginie Mourtet. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. La deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers est disponible sur le site franceculture.fr à la page des Nuits où vous trouverez toutes les informations pour la télécharger et la réécouter. Très bonne journée à vous, Pascal Bonitzer et Thierry Jousse. Merci Alban. À vous également. Nous nous quittons avec la musique d'Ennio Morricone pour « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone, un film de 1984.